faut que tu t'installes dans cet appartement, que tu joues à la balle et même au cerf-volant. Il faut que tu t'amuses, de petites bêtes en peluche, tu trouveras des ruses, tu boiras dans la cruche comme avant. Quand tu étais des enfants murmurant, petite fille grandissant doucement, tu regrettes trop souvent, mais tu es une enfant comme avant, tu auras un cerceau, un gendarme, un voleur, tu feras des châteaux, tu vivras de bonheur. Tu iras le dimanche, si tu as été sage, choisir ta robe blanche pour un lointain mariage comme avant. Quand tu étais enfant murmurant, petite fille grandissant doucement, tu regrettes trop souvent, mais tu es une enfant comme avant, ta première communion sera la plus jolie, coiffée de macarons, d'une robe d'organdie. Mais tu as rencontré un beau prince charmant, hier soir tu as quitté ton vieil appartement comme avant. Quand tu étais enfant murmurant, petite fille grandissant doucement, tu regrettes trop souvent, mais tu es une enfant comme avant, comme avant. La la la, la la. Tu étais enfant, murmurant.